12.2. Compréhension auditive. Phase 1. Répétez les phrases que vous entendez. Oh, c'est mauvais. Ici, il fait beau. Il fait un temps affreux. Ici, il fait un temps magnifique. Le ciel est gris. Le ciel est bleu. Le temps est couvert. Il n'y a pas un nuage. Il pleut. Il fait soleil. C'est froid. Il fait chaud. J'attrape des rhumes. J'attrape des coups de soleil. Je me ruine en aspirine. Je me ruine en huile solaire. Phase 2. Vous allez entendre des énoncés identifiés par les lettres A, B, C, etc. Pour chaque énoncé, indiquez s'il s'agit de Guylaine ou de Mireille en écrivant en face de chaque lettre 1 s'il s'agit de Guylaine en Angleterre, ou 2, s'il s'agit de Mireille en France. Par exemple, vous entendez A, il fait beau. Et vous écrivez 2 à côté de la lettre A, parce qu'il s'agit de Mireille en France. Allons-y. B. Il fait un temps magnifique. C. Il fait un temps affreux. D. Le ciel est gris. E. Le temps est couvert. F. Le ciel est bleu. G. Il n'y a pas un nuage. H. Il fait chaud. I. J'attrape des coups de soleil. J. J'attrape des rhumes. K. Il fait froid. L. Je me ruine en aspirine. M. Je me ruine en huile solaire.